Chapitre 4. La nuit enveloppait les meubles, les visages, dans la grande pièce au lambris clair où Madame Even égrenait son chapelet, près de son mari, enfoncé dans une confortable bergère. Des braises, dans le foyer, étaient le seul point lumineux de ces demi-ténèbres. Le colonel demanda « Si vous allumiez, Hélène ?» Madame Even se leva et s'approcha de la cheminée. Dans la pénombre, s'estompait sa taille un peu épaissie et les fermes contours de son visage. Elle étendit la main vers un interrupteur tout en disant « Je pensais à Raymond, je priais pour lui et j'oubliais l'heure. » Une lampe s'alluma sur la table placée près du colonel. La lumière, adoucie par une verrerie opaline, éclaira des cheveux gris, un visage beau encore, en dépit des rides qui le creusaient. Arrêté en pleine activité par un accident de cheval, le colonel Even demeurait infirme depuis 4 ans. Péniblement, il se traînait sur 2 cannes, lui, l'élégant cavalier dont on disait « Il sera toujours jeune ». Pour qu'il pût prendre un peu l'air, sa femme avait loué, dans un ancien immeuble du quartier de Saint-Sulpice, un grand pavillon situé au fond de la cour et donnant par derrière sur le petit parc d'un hôtel particulier, tandis que la façade, devant, était précédée d'un parterre fleuri fermé par une grille légère. Le colonel passait là de longues heures, au beau jour, avec sa femme près de lui. Sa femme, la compagne dévouée, infatigable, qu'il chérissait et dont il disait « C'est ma sainte Hélène ». Madame Even rapprocha son fauteuil de la table où, parmi les livres du colonel, se trouvait son panier à ouvrage. Son visage apparut dans la lumière. Elle n'avait jamais eu de beauté, mais sous les quelques rides de la cinquantaine, il conservait ce charme qu'elle avait transmis à Raymond avec l'énergie de sa nature. « J'y pensais aussi à notre Raymond, » dit le colonel. « Il y a quelque chose du côté de Paul. » « Je le crains. Il la trouve changée, moins confiante, presque froide à son égard. Je me demande si Berthe n'agit pas en dessous pour changer les sentiments de sa fille. Elle a tacitement accepté ce mariage parce que c'était le désir de son mari, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle le faisait un peu à contre-cœur. » Notre fils, pourtant, n'est pas de ceux que l'on peut dédaigner. Au point de vue moral, en particulier, elle trouverait difficilement mieux que lui. Oui, mais elle juge probablement que Paul, avec sa fortune, pourrait faire un mariage plus brillant. Puis, vous savez, mon cher Henri, combien Berthe est, au fond, peu réfléchie. Elle se laisse prendre facilement aux apparences, à tout ce qui flatte son amour-propre. Quoique la carrière de Raymond s'annonce bien, il n'a pas encore une situation en vue. À son âge, ce serait vraiment phénoménal. Qu'elle lui laisse le temps et elle verra si sa femme n'aura pas lieu d'être fière de lui. Madame Even sourit en regardant la physionomie animée de son mari. Raymond, le seul enfant qui leur resta, était la joie, la gloire du colonel. Pendant un moment, ils gardèrent le silence. Madame Even avait pris dans son panier un ouvrage de crochet. Le colonel tambourinait du bout des doigts sur la table. Il fit observer tout à coup. « Il est de fait que Berthe et Paul ont espacé leur visite depuis quelque temps. »« Oui, et elles paraissent gênées, Paul surtout. Mais c'est peut-être une idée de notre part, après tout. »« Je l'espère, ma bonne chérie. » Paul aime notre Raymond, elle ne peut que l'aimer plus fortement, car à mesure que sa personnalité s'affirmera, il deviendra de ces hommes auxquels s'attachent passionnément les cœurs de femmes. Madame Even, d'un mouvement machinal, commença de faire glisser le crochet dans la laine rose. Elle penchait la tête et la lumière faisait briller les nombreux fils d'argent dans ses cheveux bruns. Je crains que Paul ne le voie encore qu'avec ses yeux d'enfant, de petite cousine très aimée qui a subi l'influence d'une volonté ferme et d'une affection très tendre. Je crains aussi qu'elle ne comprenne pas tout à fait la valeur morale de Raymond, ni même la délicatesse de son amour. Berthe est chrétienne, mais comme beaucoup, à l'extérieur surtout. Elle a donné à sa fille une éducation morale et religieuse trop superficielle épaules et de celles qui restent ce qu'on les a faites. Une porte fut ouverte à l'autre extrémité du salon, une silhouette masculine se dessina dans la pénombre. « Ah, c'est toi, Raymond, » dit le colonel. « Il n'y a plus personne dans le salon d'attente. »« Non, mon dernier client vient de partir. Je cours maintenant chez Marbeau, qui plaide pour la partie civile dans le procès Brébeuf. Comment vous sentez-vous ce soir, mon père ?»« Mieux, mon enfant. Marbeau, c'est où cela ?»« Rue de l'Université. »« Mais oui, au fait, c'est tout près de chez Berthe. Tu iras voir Paul en passant ?» « Je ne crois pas. Je suis très pressé aujourd'hui. » Le père et la mère saisirent, dans la voix calme, une note de dureté. Le colonel riposta. « On trouve toujours le temps d'aller embrasser sa fiancée, mon ami. Mais dis donc, il serait grand temps qu'on parle un peu de ce mariage. J'en glisserai un mot à Berthe la prochaine fois que je la verrai. » Raymond dit vivement. « Je vous serai reconnaissant de n'en rien faire, mon père. » car je tiens à ce que Paul m'en parle la première. Ainsi que je vous l'ai dit, quand, à la rentrée, j'ai demandé à tante Berthe si elle ne voyait pas d'inconvénient à fixer notre mariage au début de l'hiver, elle a prétexté un séjour dans le Midi qu'elle désirait faire chez sa sœur avec Paul. Nous sommes maintenant au premier jour de décembre et il n'est pas encore question de ce voyage. Pas davantage, on ne parle de mariage. Devant ce silence, je me tais. Paul connaît mon désir, c'est à elle de parler maintenant. C'est juste. Eh bien, à tout à l'heure, mon enfant. Quand la porte se fut refermée sur Raymond, le colonel regarda sa femme. Décidément, il y a quelque chose, Hélène. Qu'est-ce que Berthe m'a dit gant cela ? La sonnerie de l'entrée résonna en cet instant. Puis la porte fut ouverte et celle dont le colonel venait de prononcer le nom apparut. Elle vint à la cheminée en disant, avec cette amabilité un peu affectée qui lui était habituelle, « Je viens vous voir un moment, mes chers amis. »« Vous vous faites rare, Berthe, » dit le colonel. Il prenait la main qu'elle lui tendait et la serrait sans chaleur. « J'ai beaucoup d'occupations. Je prépare une vente de charité. Enfin, j'ai pu trouver un instant aujourd'hui. » L'oreille subtile de Madame Évène perçut la gêne, une nervosité inhabituelle dans l'accent de la visiteuse. Cet embarras s'affirma de nouveau, tandis que Madame Berthe, assise face à la cheminée, parlait du temps, des ouvrages qu'elle confectionnait pour la vente, des rhumatismes du colonel. Visiblement, elle avait à dire quelque chose et ne savait comment aborder le sujet. Ce fut le colonel qui lui tendit la perche en demandant « Et Paul, que devient-elle ? Voilà 15 jours au moins que nous ne l'avons vue. » « Ah, Paul, elle se tourmente tellement, la pauvre chérie. Elle est si désolée. »« Désolée, pourquoi ?» demanda Madame Évène. Madame Berthe entr'ouvrit davantage son grand col d'astrakhan gris, comme si elle éprouvait le besoin de se donner un peu plus d'air. Elle toussa, hésita, puis dit enfin « Mieux vaut parler franchement. Je suis venue vous voir au sujet de ce projet de mariage. »« Ah, je souhaitais précisément que nous arrangions cela, » dit le colonel. « Voilà trop longtemps que ces enfants attendent. Nous pourrions les marier d'ici peu. » Madame Berthe baissa les yeux, remua nerveusement le sac élégant posé sur ses genoux. « Mais, Henri, c'est le contraire. » « Comment le contraire ?»« Oui, je vous assure, mes chers cousins, qu'il m'en coûte vraiment de venir vous dire cela, ce changement dans les idées de Paul. Elle croyait aimer son cousin. Elle s'est aperçue qu'elle se trompait quand l'amour, le vrai, s'est révélé à elle. Pour Raymond, elle n'avait qu'une affection de sœur. » Le buste penché du colonel se redressait. Le visage pâle se colora et les longues mains amaigries tremblèrent sur les genoux où elle s'appuyait. « Ah ! Paul reprend sa parole. Paul ne veut plus accomplir sa promesse. » La voix tremblait sous la violence d'une émotion mêlée de colère. « Elle était si jeune quand elle l'a faite. Elle ne savait pas. Elle s'est méprise sur la nature du sentiment que lui inspirait son cousin. Mais maintenant qu'elle aime... « D'une autre manière ?»« Madame Berthe relevait les yeux. Elle prenait de l'assurance, le plus ennuyeux était dit. Près d'elle, la mère de Raymond restait silencieuse, les mains jointes sur ses genoux, la bouche un peu tremblante. « Qui est-ce ? » demanda la voix saccadée du colonel. « Ferdinand d'Aubray. » Madame Évène eut un léger sursaut et le colonel s'exclama « D'Aubray, c'est à ce garçon-là que vous allez donner votre fille ?» Madame Berthe prit un air pincé. « Eh bien, que lui reprochez-vous ? » « Mais tout ! C'est un viveur, un être sans scrupules, sans moralité, un incroyant en outre. Vous trouvez que ce n'est pas assez ?»« Je vous en prie, ne vous faites pas l'écho d'exagérations ridicules. » J'ai pris mes renseignements quand j'ai compris qu'il plaisait à Paul. Il n'est pas un petit saint, mais il n'est pas pire que beaucoup d'autres. Le mariage le rangera, surtout avec une femme charmante comme ma fille, dont il est très épris. Quant à ses idées au point de vue religion, qui sont le résultat de son éducation, Paul les changera peu à peu par son influence. C'est même cette perspective qui augmente son attrait pour lui. Le colonel ne put contenir une sorte de ricanement et Madame Évène dit, avec un accent de pitié un peu ironique, « Ma pauvre Berthe, elle le convertira. Craignez plutôt qu'elle ne subisse son influence à lui. Craignez de faire le malheur de votre fille. » Madame Berthe se rebiffa. « Paul n'est plus une enfant. Elle saura se conduire et conserver ses croyances malgré tout. » « Je veux l'espérer. » Et joignant ses mains qui étaient presque glacées, en dépit de la chaleur de la pièce, Madame Évène ajouta « Elle n'aurait pas eu à convertir Raymond et il offrait un passé sans ombre à ses 20 ans. » Le colonel dit entre ses dents « C'est peut-être pour cela. Il y a des personnes qui ont du goût pour les eaux troubles. Grand bien leur fasse. » Il se renversa contre le dossier de son fauteuil. Madame Berthe, les lèvres pincées, regardait les braises incandescentes qui s'écroulaient avec un grésillement léger. Elle dit, d'un ton quelque peu acidulé, « Je comprends que vous soyez déçu, Henri. Paul a tout pour elle, beauté, fortune. » Le colonel eut un haut-le-corps et Madame Évène, se redressant, dit avec sévérité, « N'allez pas plus loin, Berthe. Vous nous connaissez tous assez bien pour savoir que la fortune de Paul n'entrait pour rien dans les sentiments de Raymond à son égard et dans notre désir de la voir devenir notre fille. Du reste, c'est son père lui-même qui a souhaité ce mariage et qui vous a dit à son lit de mort « Je m'en vais tranquille en sachant qu'elle sera la femme de Raymond. » Madame Berthe, l'air gênée, ne répliqua rien. Ses mains gantées de gris serraient le petit sac de moire marqué d'une initiale d'or. Madame Évène poursuivait, d'une voix qu'elle maintenait calme, mais où vibrait pourtant une sourde émotion. « Naturellement, nous n'avons pas à discuter avec vous là-dessus. Paul dit ne plus aimer Raymond, je l'admets, et aucun de nous n'ira la supplier de changer d'idée. Ce d'Aubray a bien manœuvré près d'elle. » Si vous tombez dans ce panneau, c'est votre affaire et vous porterez la responsabilité du malheur de Paul. Mais il n'y a eu aucune manœuvre. Pendant son séjour au Grand Sapin, Paul a appris à le connaître, à l'apprécier. Lui s'est épris d'elle aussitôt, mais il n'a rien dit, sachant par sa sœur qu'elle était fiancée. Le colonel eut de nouveau son petit ricanement. « Je ne vous crois pas assez naïve pour ignorer qu'il existe 100 manières de prendre le cœur d'une femme sans lui dire un seul mot d'amour. Maître d'Aubray est sans doute fort sur ce chapitre-là. Je souhaite que Paul ne soit pas victime de sa crédulité, de votre engouement pour cet homme. Vous avez des préventions contre lui, Henri. Je vous assure qu'il n'est pas aussi noir que vous le pensez. Tant mieux, tant mieux. Après tout, cela vous regarde. » « Pour moi, il y a surtout la souffrance de mon fils et l'injure qui lui est faite. »« L'injure ? Vraiment, Henri ? » ?»« Ah, vous trouvez donc que ce n'est rien, pour un homme comme lui, de se voir préférer cet individu par la femme qu'il aime et qui s'est promise à lui ? Sapristi, dussiez-vous m'accuser d'orgueil paternel et de tout ce que vous voudrez, je dis bien haut que votre fille n'est pas digne de mon fils. »« Mon ami !» Madame Évène penchait vers son mari un visage anxieux et posait sa main sur le bras qui tremblait. « Ne vous agitez pas ainsi, vous vous faites mal !» Il se calma subitement sous le cher regard qui avait sur lui tant d'influence. Mais il jeta vers Madame Berthe un coup d'œil d'ironique mépris. « Voir traiter ainsi notre Raymond par cette petite Paule que nous avons tant chérie me met hors de moi. Mais vous avez raison, restons calmes. Vous veniez donc, Berthe, pour que nous informions Raymond de la volte-face de sa cousine ?» Madame Berthe, les traits crispés, se contenait visiblement pour ne pas riposter avec colère à l'apostrophe du colonel. Mais elle détestait les discussions, surtout quand elle se sentait dans son tort et en face d'un interlocuteur déterminé. Cependant, il y avait quelque agressivité dans sa voix, tandis qu'elle répondait « Oui, je vous demande de le lui apprendre vous-même. Vous saurez lui adoucir cette désillusion. » J'espère qu'elle ne sera pas aussi forte que vous semblez le penser, car il n'y a là certainement qu'une amourette de jeunesse. Ah, vous croyez ? Non, Raymond n'est pas de ces godelureaux qui s'en vont de caprice en caprice et sèment des morceaux de leur cœur à tous les tournants du chemin. Il avait donné le sien à Paul pour toujours. Jamais votre fille ne sera aimée comme elle l'est par lui. Madame Berthe eut un mouvement d'épaule. « Que voulez-vous ? Je ne puis changer l'inclination de Paul. Je ne puis faire qu'elle aime son cousin au lieu de Daubray. Ce sont les surprises du cœur. » Le colonel mâchonna. De fameuses surprises, en effet, et bien préparées. Madame Berthe feignit de ne pas entendre. Elle refermait le col de fourrure sur son cou un peu empâté, qu'entourait un collier de perles. Puis elle regarda tour à tour le colonel et sa femme, avant de demander avec une douceur affectée « Vous ne nous garderez pas rancune, n'est-ce pas ? Paul a tant d'affection pour vous. Si vous saviez combien il lui en coûtait de me voir accomplir cette démarche !»« Bon, bon !» dit le colonel d'un ton mi-narquois, mi-furieux. « On ne la mangera pas, cette petite sotte, quand il faudra la revoir. Mais vous pensez bien qu'il y aura maintenant toujours quelque chose entre nous. » Madame Berthe se levait. Sa cousine étendit la main et la posa sur son épaule. Nous lui pardonnons, Berthe. Dieu veuille qu'elle ne se repente pas amèrement de ce qu'elle a fait aujourd'hui. Mais enfin, je ne sais ce que vous vous imaginez au sujet de Daubray. Sans valoir votre fils sous certains rapports, il peut faire un très bon mari. D'ailleurs, n'aurait-il pas été coupable de la part de Paul qu'elle épousa Raymond alors qu'elle éprouvait un sentiment si fort pour un autre ? Oui, si ce sentiment est réel, s'il n'est pas un caprice, ou bien si Paul, par vanité, par ambition, par faiblesse, que sais-je, ne se laisse pas circonvenir. Mais en vérité, ma chère amie, on croirait que vous ne la connaissez pas. Madame Berthe s'animait un peu en regardant avec colère le visage ému et grave penché vers elle. Elle est trop sérieuse, trop réfléchie pour céder à des sentiments de ce genre. Daubray lui a plu par son intelligence exceptionnelle, par les qualités qu'elle a découvertes chez lui, sous un aimable scepticisme de surface. Enfin, c'est un homme très remarquable. Et elle l'aime. Voilà qui résume tout, car on ne discute pas avec l'amour. Le colonel ébaucha un haussement d'épaule et sa femme répliqua « Pardon, je suis d'avis qu'on doit le discuter, car il est aveugle. Il faut crier casse-cou devant les précipices où il conduit. » Madame Berthe eut un demi-sourire dédaigneux, celui d'une femme qui se croit infaillible. « Il n'y a pas de précipice en la circonstance. Vous pensez bien que je n'aurais pas approuvé Paul si j'avais douté qu'elle pût être heureuse dans cette union. Allons, au revoir, ma chère Hélène. Au revoir, Henri. » « Ne vous tourmentez pas trop. Raymond oubliera vite ce petit épisode de sa vie. Croyez-en mon expérience. » Madame Évène dit froidement « Ce qui a existé entre eux ne s'oublie pas ainsi, car ce que vous appelez un petit épisode et ce que Paul a si délibérément foulé aux pieds, c'est toute la jeunesse de Raymond et tout son cœur qui fut à elle seule. »